t'avais si bien commencé. Tout aurait bien pu continuer. Il a fallu cette soirée. Et c'est là que tout a cassé. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller plus loin. Même si ce n'était pas demain, on se serait donné la main pour parcourir tout ce chemin. Oh, on aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu aller plus loin.